weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gameozo. Another second gone, I heard your man at home. Now you melatonin. Et vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et vous l'avez bien compris, hein, c'est comme tous les jours à midi, c'est le moment de voyager au cœur de la bulle. Et aujourd'hui, pour partager ce voyage, ce moment avec nous, je suis ravie d'avoir au téléphone Pierre Richand de l'association Helicop. Pierre, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Eh ben super, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je suis, hein, depuis presque 20 ans, l'association Helicop mène à bien des événements artistiques et culturels forts dans la vallée du Rabodou qui se trouve dans les Vosges, donc près de Saint-Dié, Ramon-l'Étape, comme des spectacles vivants et des expositions. Alors, comment a été créée cette association? Bah, écoutez, au tout début, c'est une bande de copains, d'artistes, désireux de créer des choses ensemble, de créer des événements autour d'un territoire qui est vraiment très particulier, dont on aura le temps de parler, le lieu, c'est une ancienne coopérative ouvrière, un magasin d'usine. D'accord. Qui a été racheté par un couple d'artistes. D'accord. Amis. Voilà. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine de cette création d'association? Notamment, oui. D'accord. Oui. Ok. Alors, pourquoi avoir eu envie, justement, eh bien, de créer, de monter cette association au sein de la vallée du Rabodou? C'était un souhait de dynamiser le territoire avec et aussi de valoriser les artistes dont nous sommes tous, parce que c'est un petit collectif effectivement. Donc je suis un des fondateurs en fait, dont François Klein et moi-même sommes encore acteurs et présents depuis plus de 20 ans là sur l'association. D'accord. Voilà, c'était donc vraiment un besoin de travailler ensemble. Ok. Voilà. Donc vous dites que vous êtes tous artistes au sein de l'association? Alors, on est un noyau d'artistes, mais bien entendu, c'est une association qui n'existerait pas sans les bénévoles aussi. Bien sûr. A beaucoup de personnes localement qui s'investissent beaucoup pour l'association, autant sur la partie spectacle que sur la partie exposition, bien D'accord. sûr. Mais on est un bon petit noyau d'amis et de réseau aussi, parce que ça fonctionne comme un réseau maintenant. Oui. Hein, depuis 20 ans, ça a évolué, bien oui. entendu. Et maintenant, on est très fiers de proposer donc notamment cette exposition sur le sentier des passeurs, cette biennale, et oui. pour la 7e fois. Et oui, dont voilà. on parlera juste après. Oui. Alors, dites-nous en plus un petit peu sur votre parcours. Comment s'est déroulé tout ça pour vous et dans quel milieu artistique évoluez-vous? Alors moi, je suis personnel, je suis enseignant et photographe. Donc je pratique la photo intensément depuis 20-30 ans. D'accord. Et j'ai commis quelques beaux livres sur le massif des Vosges et sur d'autres sujets. Oui. Et donc j'ai rencontré François Klein en fait au départ, qui est sculpteur. Oui. Et avec qui on a sympathisé, j'ai réalisé des photos de ses œuvres de l'époque et voilà, on a créé cette association notamment avec François. Mmh. Voilà, François est aussi très actif artistiquement et puis sur le territoire et sur l'association aussi. D'accord. Voilà. Eh ben on le salue si jamais il nous entend. Est-ce que on peut retrouver parfois certaines de vos photos et certaines de ces sculptures au sein d'expositions que propose Helicop? Oui, oui, ben bien sûr, ne serait-ce que déjà cette année sur le sentier, moi j'expose trois photographies dans la nature. Ce sont des photos qui évoquent la thématique de cette année qui est les chemins du fer, F-F-A-I-R-E. D'accord. Et donc pour ma part, j'expose des photographies réalisées dans les mines de Moselle. Oui. Donc mais l'originalité c'est de que ces images sont intégrées dans la nature. Notamment, il y a une image qui est intégrée dans le ruisseau, donc qui est couchée dans le ruisseau. Et oui. Voilà. Le 1er juillet, le public était donc convié à la 7e biennale sur le Sentier des Passeurs à rencontrer, eh bien, les artistes et les œuvres, notamment avec le chorégraphe, il me semble, Amon Bey, qui a choisi d'accompagner trois œuvres avec ses chorégraphies. Oui. C'est une exposition qui va être visible donc jusqu'au 15 octobre à ciel ouvert. Ça, c'est plutôt sympa. Comment ça s'organise une exposition pareille? Oh, ça s'organise longtemps à l'avance, parce que il faut bien sûr sélectionner les artistes, il faut définir ensemble dans le collectif une stratégie, une thématique, une communication, voilà. Et donc ça prend effectivement, je dirais, une année hein, avant le. Il s'agit d'une biennale, donc c'est tous les deux ans, et donc ça se prépare longtemps avant. Et oui, ça se prépare avec un noyau de personnes à la fois volontaires, bénévoles, et aussi un comité artistique constitué d'artistes aussi. D'accord. Sûr. Combien d'artistes exposent au sein de cette 7e biennale? Cette année, on a plus d'une quarantaine d'artistes. Ah oui. Oui, c'est important, et la particularité aussi, c'est que il arrive que certaines œuvres tiennent aussi les intempéries d'une année à l'autre, et les œuvres sont encore, il y a quelques œuvres encore présentes qui datent de, pour certaines, de 2010, 2012, 2014. Ah oui. Voilà. Ce sont pas des œuvres pérennes, ce sont des œuvres qui restent parce qu'elles ont encore un intérêt et un impact sur le sentier. Et voilà, donc ça totalise à peu près une soixantaine d'œuvres si on compte les œuvres anciennes. D'accord. Donc il n'y a pas que des photos présentes sur le Sentier des Passeurs, il y a d'autres œuvres? Ah oui, bien sûr. Moi je suis effectivement je m'exprime à travers la photo, mais on a essentiellement des sculpteurs, des installateurs, des peintres parfois, des oui, c'est vraiment une biennale autour plutôt des arts plastiques, des arts visuels. D'accord. Plus précisément uniquement de la photographie. D'accord. Est-ce que ce sont des artistes locaux qui exposent sur le Sentier des Passeurs, ou est-ce qu'il y a des artistes qui viennent d'un peu plus loin? Alors de tout, oui, il y a des artistes locaux, mais il y a aussi beaucoup d'artistes internationaux, nationaux. On a deux artistes suisses. D'accord. Notamment, on a des artistes nationaux, régionaux, professionnels aussi qui exposent. La particularité finalement de cette biennale, c'est de faire travailler des artistes. On les fait travailler. Certains sont d'ailleurs payés, rémunérés. D'accord. D'autres offrent gracieusement leur savoir-faire et leurs compétences et leur regard. Globalement, c'est un festival qui tente de plus en plus à être professionnalisé. D'accord. Alors, bien sûr, localement, on a des artistes professionnels, bien sûr, mais ça s'ouvre, bien entendu, sur l'Alsace, sur la Lorraine, voire d'autres régions. On a un artiste qui nous vient de Paris, voilà. Wow. C'est Patrick Demazo, qui a installé des valises en briques. D'accord. voilà. Et puis l'artiste suisse Vincenzo Baviera, Rudy Mush, tout ça. Donc voilà, donc c'est un festival qui depuis 12 ans prend quand même son envol. De l'ampleur. Ouais. D'accord. Donc les artistes sont tout de suite conquis pour exposer au sein de ce festival. Vous les contactez, c'est eux qui viennent à vous. Comment ça se passe? Ça se passe de deux manières. Effectivement, on les contacte parce que dans notre réseau, bien sûr, on envoie des appels à projets. Et puis bien sûr, comme on a un site qui est assez actif et qui est pas mal visité, eh bien on a quelques candidatures spontanées, voilà. D'accord. Mais bien entendu, on a depuis quelques années un jury de sélection qui sélectionne, qui appréhende aussi les projets. Et puis on les sélectionne le plus sérieusement possible. Et oui. On cherche aussi à faire en sorte que les œuvres soient le plus en adéquation avec le thème de l'année, avec ce qu'on appelle l'art nature. D'accord. Parce que la problématique ici, c'est vraiment d'installer des œuvres dans un paysage, dans la nature, scoltiner aussi les intempéries, Et oui. Voilà, les arbres, les pierres, la lumière, le soleil. Voilà. Et oui, il faut faire attention avec le climat, les intempéries, pour que les œuvres soient le plus sauvegardées possible, j'imagine, ça, c'est sûr. Exactement. Alors, du coup, le thème de cette année, c'était sur l'art et le paysage. Alors non. Alors j'avais évoqué le chemin du fer en fait, mais bien sûr l'art et le paysage, ça fait partie de cette biennale sur le sentier des passeurs. On parlera sans doute après des passeurs, oui. Mais cette année précisément 2018, on est sur ce qu'on appelle le chemin du fer. D'accord. Le fer, c'est F-I-R-E, oui. C'est-à-dire ça comprend tout ce qui est de l'ordre de la fabrication, de l'ouvrage, de ce qu'on appelle l'œuvrier, c'est-à-dire sorte de on pourrait presque dire les labeurs. Il faut savoir que sur le territoire, on a eu historiquement beaucoup de tentatives ouvrières à travers le chemin de fer, à travers certaines mines aussi, à travers le travail du bois. Donc c'est un territoire qui est historiquement empreint de travail et de labeur. Donc on voulait rendre hommage aussi à cet aspect-là. Et oui, parce que ces activités au sein de la vallée du Rabodou se sont maintenant un petit peu éteintes. Oui, bien sûr, on est dans un déclin de l'industrie maintenant, mais bien sûr, on est dans une autre ère qui arrive, c'est-à-dire une ère peut-être plus justement culturelle, touristique. Voilà, c'est une manière finalement pour ces territoires de développer aussi des savoirs et de l'accueil. Et oui, c'est un bel hommage en tout cas. Oui. C'est un bel hommage. Donc du coup, le chorégraphe Amon Bey était présent pour rencontrer au 1er juillet pour rencontrer le public au sein de cette exposition. Comment ça s'est passé? En fait, il a fait une exposition avec ses chorégraphies. C'était une exposition vivante, peut-être. Un petit peu, oui. C'était aussi de l'ordre de l'improvisation. D'accord. C'était magnifique. Hein. J'y étais. J'ai fait quelques photos qu'on peut voir sur le site. Oui, oui. Vraiment, c'est un chorégraphe qui a. Il était seul autour de de trois œuvres, dont mes photographies. Donc, j'étais très honoré qu'il investisse aussi mon travail. Et c'était très très beau. Il a tourné autour des œuvres. Il a, en tout cas, par exemple sur mon installation où les photos étaient ou dans l'eau ou proches de l'eau, il s'est intégré dans l'eau. Il a un petit peu plongé dedans. D'accord. Voilà. C'était très poétique. Oui. On a eu vraiment à peu près 70-80 personnes. Regardez ça avec. Il s'est plongé dans le paysage et dans les œuvres qu'il habitait. Oui, ouais. Ça c'est chouette. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Alors Pierre, si vous le voulez bien, eh bien on va se lancer dans notre première bulle de son avec une musique de Foot Typer pour The Shadows et on se retrouve juste après. Ouais. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo, au sein de la Bulle, avec nous aujourd'hui. Eh bien, vous l'avez bien compris, c'est Pierre Riche de l'association Hélicop qui nous parle, eh bien, de tout ce qui s'y passe, mais notamment, eh bien, de cette fameuse 7e biennale sur le sentier des passards. Alors, comme vous me le disiez en off, ce lieu, le sentier des passards, il n'a pas été choisi au hasard, il a une histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le sentier des passeurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. D'accord. En fait, ça raconte cette histoire très valeureuse de ces passeurs des années 40. D'accord. On est sur une zone de frontière, mais cette frontière, elle allait de Pont-à-Mousson jusqu'au Haut-Rhin, qui était en fait cette frontière terrible entre l'Alsace annexée par l'Allemagne nazie et la France, qui était la France occupée, mais qui restait quand même la France dans les années 40. D'accord. Et donc, sur tous ces territoires de vallées vosgiennes ou autres, notamment ici, dans notre territoire, entre le Rabodeau et le Bas-Rhin, on est dans la principauté de Salm, donc on est entre Schirmeck et Senones. D'accord. On va dire, donc, ce qui sont les deux villes, oui. Les petites villes qui bornent, en fait, ce territoire. Et donc, dans les années 40, quelques personnes très discrètes ont fait passer, par des itinéraires qui étaient les leurs, hein, qui étaient secrets, des personnes soucieuses de quitter le joug nazi. D'accord. Des fois, pourquoi pas aussi des échappés des camps, des gens comme ça. D'accord. Donc, c'est une histoire terrible et en même temps pleine d'espoir, puisque c'était des gens qui ont risqué leur vie, en fait, et pour oui. faire passer ces personnes désireuses d'aller vers la liberté. Et donc c'est vraiment une thématique qui nous a fortement inspiré, nous les artistes du coin, les artistes d'Hélicop, oui. de notre réseau. Et donc l'idée était effectivement de rendre hommage à ces passeurs. Et on a profité en fait d'un sentier de mémoire qui a été inauguré par le Souvenir français, je veux dire dans la fin des années 80, d'accord. qui est le sentier des passeurs, qui a été conçu par des fils de passeurs. D'accord. Un certain Jean Jérôme et Hubert Ledic, qui étaient d'accord. fils de passeurs sur la vallée de la Bruche, sur le versant du Bas-Rhin. Oui. Et donc, qui, avec le Souvenir français, ont inauguré ce sentier. Et donc, notre biennale emprunte une grande partie de ce sentier-là, historique. Oui. Voilà, donc on peut visiter à la fois le sentier avec le Souvenir français. D'accord. Et puis admirer ici ou là des installations eh ben oui. qui parlent de cette histoire aussi. Ça c'est voilà. c'est plutôt très bien, on rend hommage à l'histoire voilà et en ouais, même temps on se fait plaisir aux yeux, c'est un petit peu à contre-pied tout en respectant l'histoire et ça c'est plutôt bien vu. Alors comment fait-on pour se rendre au sentier des passeurs si l'on veut eh bien pouvoir profiter justement de cette exposition qui sera visible jusqu'au 15 octobre? Alors, il faut se rendre le mieux et de se rendre au siège de l'association. D'accord. Hélicop, hein. OK. Il faut trouver l'itinéraire via Google Maps sur le oui. site, voilà. D'accord. Tout est assez clair là-dessus. Donc à partir donc du site d'Hélicop, donc de cette ancienne coopérative ouvrière qui oui. est transformée en lieu de culture et de spectacle. D'accord. L'accueil se fait en journée, on a deux jeunes qui ouvrent la salle, on peut y voir une petite exposition hommage au sentier précédente. Et puis ensuite, on pousse la voiture sur 5 km pour arriver dans un au pied de la promenade, un lieu dit qui s'appelle le Radier de Barfontaine. D'accord. Et on suit un itinéraire vraiment magnifique. Il faut compter 4 heures de marche quand même. Ah oui. Donc partez plutôt le matin sous les coups. Avec des bonnes chaussures. Avec des bonnes chaussures, à 10 heures, avec un petit pique-nique. Et puis vous passez vraiment un temps très agréable dans une nature vraiment magnifique. Et oui, c'est vrai que c'est très très beau. Décrire aussi parce que on passe par des milieux très très diverses d'accord. nature. Comme voilà. comme lesquels alors du coup? Eh ben alors le tout début du sentier, donc au radier de Barfontaine, quand on a fait 5 km, on pose la voiture, on se prépare à la marche et on évolue dans une montée qui passe par une ancienne voie romane, une voie en tout cas de l'époque du Moyen-Âge. Oui. On longe un ruisseau absolument splendide avec des espèces de fougères et de mousses très très variées pour atteindre ensuite au bout d'une petite demi-heure une ancienne tourbière. Donc il faut contourner cette tourbière donc avec un milieu fragile mais magnifique. D'accord. Pour arriver ensuite sur un milieu de crête plus de la chaume d'altitude vers un lieu dit qui s'appelle la Haute Loge où là vous allez avoir un panorama à 360 degrés sur la Lorraine et l'Alsace. Eh oui. C'est très très beau. Pour redescendre ensuite petit à petit, en général bon, on arrive à la Haute Loge, c'est le lieu pour pique-niquer puisqu'on a vraiment la vue, on a le soleil. D'accord. Et on redescend après sur une piste forestière pour arriver vers une hêtraie sapinière qui est magnifique aussi. On peut cueillir des myrtilles en ce moment d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Avec précaution, mais OK. Et la promenade se termine par un cirque glaciaire qui s'appelle le Trou du Cuveau. D'accord. Qui est vraiment extraordinaire puisque c'est une forêt avec des grands arbres. C'est très très beau à voir et on redescend après vers le parking. Et ça donc. Fait à peu près 4 heures de marche, voilà. Et on se plonge dans une de nos forêts vosgiennes pour notre plus grand plaisir et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, une exposition en pleine nature avec une petite randonnée, enfin une grande randonnée, hein, n'ayons pas peur des mots, mais voilà, on se plonge dans la nature pour se faire du bien et puis aussi renouer un petit peu avec l'histoire du lieu et ça c'est plutôt très sympa. Ouais. Donc on remettra toutes ces informations avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui pour un petit peu nos auditeurs et qu'ils sachent un petit peu où se rendre et où contacter si jamais ils ont besoin de plus d'informations sans problème. Ouais. Alors dites-nous en plus sur les artistes qui participent justement à cette exposition. Alors oui, on a donc j'avais évoqué des artistes suisses, artistes nationaux, locaux. On peut faire aussi un focus si vous voulez, parce qu'on a quand même deux artistes qui sont en résidence ou tout au moins qui bénéficient d'une bourse de travail, de création. Okay. Ces artistes sont Aurélie Pertuzo et Pascal Zagari. Pour la première, qui est une artiste qui vient d'Alsace, elle a disposé sur plusieurs endroits des fils blancs, des fils tendus, qui forment comme des espèces de lignes un peu abstraites, comme ça, dans le paysage, dans la forêt. C'est très très simple. On pourrait presque apparenter ça à de l'art minimaliste. D'accord. Mais il y a une certaine délicatesse et poésie dans ce travail. Donc elle s'est installée pour une part du côté de la Haute Loge. Elle a tendu une sorte de ligne jaune à l'endroit d'anciennes tranchées de la guerre de 14. D'accord. Et la deuxième installation, plus grande, ce sont donc des grands fils blancs qui traversent la hêtraie sapinière qui descend vers le Trou du Cuveau. D'accord. C'est très joli, c'est très délicat et voilà, c'est à voir. Et ben voilà, on pourra voir ça sur place. Oui. Et le deuxième artiste, c'est Pascal Zagari. Alors là, on va changer de genre puisque en fait, il a installé une grande locomotive en bois. D'accord. Sur le versant alsacien, enfin vraiment à la limite entre l'Alsace et les Vosges, et donc c'est une œuvre qui s'intitule À Claire-Voix. D'accord. Et Segment de voix. Segment de voix, et d'accord. Donc c'est une locomotive tout en bois qui reconstitue en fait le train qui circulait en fait entre Sonone et le col de Prayer dans les années 1918. N'existe plus déjà depuis longtemps. Et donc bien sûr cette loco ne fonctionne pas, mais elle forme comme une sorte de borne comme ça, très très très jolie dans le paysage, sur une chaume herbeuse. Voilà. D'accord. Est-ce qu'elle est grandeur nature, cette locomotive? Oui. Elle est grandeur nature. Wow. Elle est grandeur nature. Wow, ça doit être spectaculaire à voir, quand même. Et puis, encore une fois, on replonge dans l'histoire et ça fait pas de mal. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, de public qui se rendent à cette exposition chaque Alors, année? Oui, alors c'est difficile de l'évaluer puisque c'est oui. C'est entrée libre puisque bien on sûr. Est dans la nature, mais les années précédentes, on a quand même estimé à 2500 personnes dans l'été, puisque l'exposition est ouverte depuis début juin, elle termine fin octobre. On a les offices de tourisme prennent oui. le relais et puis distribuent beaucoup de nos guides plans. D'accord. Donc on peut estimer, oui. Dans l'été, 2500 personnes. Et oui, ce qui est bien, c'est que pendant cette saison justement estivale, il n'y aura pas que des gens locaux qui pourront bénéficier de cette exposition, mais aussi bien tous entendu. Les touristes qui viennent dans le coin. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais. Alors, on va se lancer tout de suite dans une deuxième bulle de son, si vous le voulez bien, avec Il me restera. Toi de Jacques Simard, et on se retrouve juste après. Quand je serai devenu tout ce que je déteste, qu'elle ne m'aimera plus, que je boufferai les restes, quand je serai devenu la pire des bêtes noires, pauvre monstre reclus, vilain petit canard, quand je me serai trop mouché dans leur jolie dentelle, et quand j'aurai craché dans les soupes les plus belles, quand j'aurai noyé à vouloir me défaire jusqu'à ma dignité, mon égo dans la bière, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix. Pour m'aimer un peu, quand j'aurai retourné le fond de mes tiroirs, quand j'aurai éclaté mes plus jolis miroirs, quand j'aurai abusé de toutes les gentillesses et envoyé bouler toutes vos politesses, quand j'aurai saboté de mes gueules d'enterrement les plus folles soirées, les plus heureux moments, quand j'aurai déçu mes amis et mes frères, et quand j'aurai perdu même l'amour de ma mère, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix et pour m'aimer un peu. Quand j'aurai fait le tour de mes mille sarcasmes, quand j'aurai coupé court à tes plus grands fantasmes, quand j'aurai saccagé nos plus beaux souvenirs, et quand j'aurai pillé nos plus beaux avenirs, quand j'aurai sans rancune ri de toutes les horreurs et sans pudeur aucune exhibé ma torpeur, quand j'aurai comme un livre dégueulé mes secrets, bouffé mon mal de vivre à tous les râteliers, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix, et pour m'aimer un peu. Quand j'aurai écrit mon ultime chanson, poussé mon dernier cri, soufflé mon dernier son, quand j'aurai gavé les plus fidèles escrocs, qu'elles seront devenues sourdes à mes vers enflammés, quand je passerai mes armes là de l'autre côté, ce sera toi le plus paumé du cortège des larmes, quand je n'aurai plus rien que la peau sur mes os froids, il me restera toi pour m'aimer comme un chien, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix et pour m'aimer un peu. Restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix et pour m'aimer un peu. fermer les yeux pour étendre ma voix et pour m'aimer un peu. Et voilà pour cette chanson de Jacques Simard, qui était d'ailleurs présent, comme nous le disait notre invité, bien d'aujourd'hui, au dernier biennale sur le chemin des passeurs. C'est plutôt sympa. Hein, il y a aussi des artistes qui viennent, voilà, s'exprimer, chanter et puis regarder, j'imagine, forcément. Et voilà, ils s'intéressent beaucoup. Alors sachez, si vous n'êtes jamais allé sur ces biennales, sur le sentier des passeurs pour cette exposition, même si vous y êtes déjà allé, je vais y arriver. Eh bien, il existe un catalogue qui retrace un petit peu, bien tout ce qui s'est passé, toutes les expositions de 2006 à aujourd'hui, c'est ça? Oui. C'est une rétrospective des œuvres vraiment majeures présentées depuis 2006 et une valorisation plus particulière aussi de l'édition 2018. Et oui, forcément. Ouais. C'est un beau livre en fait, hein, de 160 pages, donc qui coûte 20 €, et avec la part belle aux images et à quelques textes d'artistes aussi. Donc c'est vraiment un livre. À conserver, à acheter. Eh oui, qui conçoit ce livre ? Comment ? Qui conçoit ce livre ? En fait, c'est un ouvrage vraiment très collectif. D'accord. J'ai réalisé l'ensemble des photos parce que depuis 2006, je suis un tout petit peu la mémoire visuelle des passeurs. Et puis, bien sûr, c'est un ouvrage très collaboratif. On a eu quelques artistes et auteurs qui ont contribué, notamment pour les textes. Et voilà. En toute cohésion. Voilà. Ça, c'est chouette. Voilà. Alors, sachez qu'il existe aussi des visites guidées qui sont proposées. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces visites guidées ? Alors, ce sont des visites qui ont lieu les samedis, entre 10h et 17h30. Hein. D'accord. La prochaine aura lieu, je crois, le 28 juillet. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Et qui, pour certaines, ça sera le cas de celle du 4 août et du 1er septembre, inclut une intervention musicale sur le sentier ou après le sentier. D'accord. Voilà. Et donc en fait c'est un des membres de l'association artiste qui organise cette visite. Enfin, d'accord. Qui présente cette visite. Pour ma part, je serai présent pour celle du 4 août et du 1er septembre. D'accord. Voilà. Et donc c'est une promenade où il faut bien entendu prendre aussi les chaussures, le pique-nique, les bonnes chaussures et un repas tiré du sac, et on est de retour vers 17h30. Donc, d'accord. Point de départ au siège de l'association. D'accord. À Helicop. À partir de 10h, c'est ça? Voilà. Ok. Eh bien, on remettra toutes ces informations pour nos auditeurs. Ouais. Il y en a une par mois ou il y en a plusieurs dans le mois? Écoutez, là, c'est... la troisième s'est terminée donc samedi dernier, le 21. D'accord. Donc il nous en reste encore trois, hein, le 28 juillet, le 4 août et le 1er septembre. Et ben voilà, c'est pas trop tard si vous jamais vous avez envie de bénéficier de cette visite guidée. Alors qu'est-ce qu'on va faire durant cette visite guidée ? On va avoir plus d'explications sur les œuvres qu'on plus va rencontrer. Explications, on va sommairement, parce que on n'est pas spécialiste de la nature. Oui. Ni nécessairement de l'histoire, mais on va expliquer quand même le contexte, puis faire voir le lieu, faire voir les œuvres, expliquer les œuvres aussi. Rencontre peut, avec le Sentier des Passeurs et toutes les œuvres qui l'ont investi, et ça c'est plutôt sympa. Ouais. Alors il y a également des conférences à l'occasion de cette 7e biennale, et je pense pour toutes les autres précédentes, ça c'est sûr. Le géographe Jean-Pierre Husson a tenu d'ailleurs une conférence il y a peu, art et paysage. Il y en a d'autres à venir ? Oui, il y en a d'autres à venir. Précédemment, on avait eu aussi une conférence de Daniel Payot sur l'histoire de l'art. C'était passionnant. D'accord. Et la prochaine, en fait, ça sera fin août, le 31 août. C'est Marc Namblard, qui est un spécialiste du son en Lorraine, mais que l'on connaît plus loin, connaissez. Ouais. C'est vraiment très très chouette à entendre, à écouter. Il nous fera entendre, il était déjà venu il y a quelques années, notamment le bruit des craquements de la glace sur le lac de Pierre Percé. C'est vraiment étonnant. Et puis ensuite, on aura début octobre, après François Vernier, qui est le président de l'association des botanistes de Lorraine, qui va nous parler des plantes obsidionales, qui sont ces plantes qui sont introduites suite aux événements des deux guerres. D'accord. Donc, c'est intéressant. Et très ensuite, riche. On aura une lecture des œuvres le 13 octobre par Corinne Pansna, qui va faire une lecture des œuvres exposées en 2018. D'accord. Voilà. Eh bien, dis donc, tout un programme. Ouais. Et je voulais aussi préciser quand même, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure. Dites-nous. On organise aussi des ateliers de pratique artistique à destination de la jeunesse. Hein. D'accord. Pas qu'on oublie de dire ça. Oui. Cette semaine, il y en a un qui est commencé, mais il est toujours encore possible de s'y inscrire. Avec Florent Meyer, un atelier de pratique pour les enfants, pour les jeunes. Hein. Ok. Autour du dessin, et il y aura un autre atelier la semaine du 6 au 10 août par Aurélie Pertuzo. Voilà. Eh bien, c'est tout noté. Si jamais on a envie de s'inscrire, déjà, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Je pense que oui. Oui. On passe par le site d'Hélicop où on retrouve... Par le site d'Hélicop, le téléphone aussi. Alors, c'est plus précisément, nous avons un site qui est vraiment consacré à la Biennale, qui est sentierdespasseurs.fr. D'accord. Et là, il y a vraiment beaucoup plus d'informations. Ceci dit, du site d'Hélicop, le lien se fait tout de suite sur le site des passeurs. D'accord, ok. Ouais. Donc, on retrouve toutes ces informations. Du coup, ces ateliers pratiques à destination des jeunes, ils sont aussi inclus au sein de cette exposition, respectent le thème. Oui. Par exemple, l'atelier précédent, c'est Pascal Zagari, a réalisé un petit train avec les enfants en bois. Voilà. Donc, bien entendu, les créations produites par les enfants sont en lien direct avec la nature, avec le sentier. C'est plutôt sympathique. Du coup, ça dure sur combien de temps, ces ateliers ? C'est une semaine complète. Hein, d'accord. Une semaine complète, du lundi au vendredi, de 10h à 17h. D'accord. Voilà. Les gamins peuvent être accompagnés des parents ou pas, ils sont pris en charge. Pour la journée. Eh ben ça c'est plutôt sympa, et en plus je pense qu'ils doivent passer un super bon moment en pleine nature, et puis riche de culture, ils en sortiront, ça c'est sûr. Avant d'en savoir plus encore sur tout ce qui est proposé au sein de cette exposition, mais pas que, on va parler un petit peu aussi d'Hélicop et tout ce qui l'englobe. On se lance dans notre troisième bulle de son avec Todos Runtos pour le son Quinto Zouyou, j'espère que j'aurai bien prononcé tout ça. Et on se retrouve juste après, ne bougez pas. Thank you. Nous sommes toujours ensemble dans La Bulle avec aujourd'hui notre invité Pierre Riche. Alors l'association Hélicop, eh bien je cite, propose une vague également de spectacles vivants en salle en plus de cet événement biennal du Sentier des Passeurs. D'ailleurs vous retrouverez toutes les informations sur les expositions, spectacles, conférences, théâtres et performances sur www.sentier-des-passeurs.fr. Ne vous inquiétez pas, nous remettrons le lien de ce site internet avec le podcast de cette émission et enfin une grande saison 2018-2019 à venir de septembre à juin de l'année suivante. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve durant ces spectacles qui sont proposés par Hélicop? Pour revenir au spectacle, bien entendu, ça fait depuis le début d'Hélicop, le siège de l'association abrite une petite salle de spectacle très chaleureuse. D'accord. Pour environ 80 spectateurs. Oui. Avec et donc on organise un spectacle par mois depuis déjà quelques temps. D'accord. Autour de musique très variée, notamment beaucoup de musique du monde. C'est pour ça que j'étais content que vous passiez Quinto, Suyo, ils sont venus aussi. Donc d'accord. Musique du monde, jazz aussi, beaucoup oui. de programmation de jazz, notamment avec notre partenaire Scène 2 sur les abbayes, sur l'abbaye de Snone. On organise au mois de juin, on co-organise jazz dans les vallées. D'accord. Donc, et beaucoup aussi souvent de chansons françaises, donc dont Jacques Simard, et oui. On a entendu tout à l'heure. Et oui. Voilà. Alors, donc, oui. Le prochain spectacle, par exemple, qui aura lieu avec Hélicop, il se déroule quand il... Alors, le prochain spectacle, alors on a des spectacles qui sont en lien avec les balades commentées. D'accord. Notamment celle du 4 août au site du Trou du Cuveau, il y aura l'ensemble 21N avec deux musiciens de cet ensemble qui vont jouer. Voyez, on intègre aussi la part spectacle aussi au Sentier. Ça doit donner une dimension très particulière voilà. Et très chaleureuse oui, d'intégrer ouais. cette musicalité au sein de l'exposition en plein tout air. Ça doit être génial. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, au 1er septembre, on aura aussi, à la suite de la balade commentée, dans la grande salle d'Hélicop, un spectacle qui s'appelle Par-delà les murs. D'accord. Qui est organisé par le festival de Strasbourg Méditerranée. D'accord. Strasbourg Méditerranée. Le 15 septembre, Jean-Paul Distel va aussi taper la chansonnette autour de chansons engagées, de chansons aussi des grands fondateurs de la chanson française comme Brassens, Brel. Voilà. Waouh, très éclectique, très voilà. Riche. Voilà, on fait un grand pas dans la culture et ça oui. nous fait du bien. Oui. Alors, plusieurs partenariats pour soutenir l'association et ainsi donner libre champ à tous ces spectacles, ces expositions. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a une politique de demande de subvention oui. dans laquelle on n'arriverait pas nécessairement à aller aussi loin dans nos projets, donc je vais pas tous les citer, mais on a une demande au fonds européen et bien sûr à la région Grand Est, département des Vosges et communauté d'agglomération de Saint-Dié, voilà. D'accord. Ça, ce sont les partenaires publics et puis bien sûr nos partenaires artistiques et culturels. J'ai parlé de Scène 2, mais entreprise et culture en Lorraine qui organise le festival des abbayes, voilà. D'accord. Faut dire aussi que certains artistes exposent dans d'autres lieux que le Sentier des Passeurs, donc c'est une forme aussi de partenariat, notamment le musée Pierre Noël de Saint-Dié. D'accord. Où il y a un artiste qui s'appelle Gwenaël Stamm qui a installé une guetteuse et puis okay. au mémorial de l'Alsace-Moselle à Schirmeck du côté Bas-Rhin, voilà. Et ben voilà. Super. Et puis bien sûr l'ONF parce que voilà puisque on expose quand même dans un territoire et oui. Vraiment nature. Voilà, nature fragile, donc l'ONF est pleinement partenaire aussi de notre. On fait pas n'importe quoi, on respecte la nature même oui, au oui. sein de l'exposition. Oui, oui, ça oui. c'est important. On n'a pas parlé aussi de cette dimension-là, on tient aussi à ce que les œuvres respectent cet aspect écologique des espaces protégés. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a de futurs projets pour l'association Hélicop? Bien sûr, la réponse est oui, mais oui. quels sont-ils? Vous allez nous en dire plus tout de suite, Pierre. Écoutez, on va bien entendu, je l'espère, continuer le sentier des passeurs hein, pour 2020, donc ouais. Ça va se préparer bien entendu. D'accord. Et puis nos spectacles aussi, voilà, on continue nos spectacles, notre partenariat aussi avec d'autres associations. D'accord. Les années impaires où nous ne faisons pas le sentier des passeurs, c'est-à-dire pour 2019, régulièrement, on expose aussi sur d'autres thématiques. Très souvent d'ailleurs à l'abbaye de Senones, donc d'accord. C'est ce qui est prévu en principe pour 2019. Dans un cadre très particulier, l'abbaye est vraiment énorme, et puis là elle a repris toutes ses splendeurs d'antan, c'est vraiment lieu magnifique, magique, et encore une fois on plonge dans l'histoire, et vraiment c'est très plaisant. Alors j'imagine qu'autour de tout ça, eh bien il y a nombre de bénévoles hein, qui s'incluent dans ces projets, vous nous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure. Combien y a-t-il de membres actifs au sein de l'association Hélicop, si vous en avez une idée en tout cas? Alors les membres, on doit atteindre une centaine de membres. Ah oui, d'accord. Il me semble, hein. Ok. De bêtises. Et les membres actifs, alors on peut dire une bonne quinzaine de personnes quand même. Hein. D'accord. C'est nécessaire. Depuis quelques années, on a aussi organisé des comités spécifiques qui travaillent sur des dossiers particuliers, notamment une commission spectacle, une commission liée aux arts plastiques et aux expos, voilà. Donc, est-ce que ce sont des artistes qui participent exclusivement ou vraiment des personnes localement impliquées, bien d'accord. entendu, bien entendu. Oui, oui. Non, non, on n'a pas que des artistes. On a effectivement automatiquement des amoureux de l'art, mais oui. des vrais bénévoles, quoi, qui s'investissent mieux qu'ils peuvent dans l'accueil, notamment dans la communication. Ok, super. Y a-t-il une future programmation 2018-2019 ? Ça, c'est sûr. Est-ce que vous en avez déjà connaissance ? Est-ce qu'on peut peut-être nommer quelques noms qui, voilà, présents ? Oui, alors, ce que j'ai en tête, on va faire venir un duo guitare-violoncelle autour de l'Argentine. Je crois que ça sera au mois de mai. Mais je vous avoue que j'ai pas le programme précis en tête. En fait, on va l'officialiser fin août, début septembre. D'accord. Mais, voilà. Mais bien entendu, oui, jazz aussi. On va avoir le trio de Peter Perfido, qui est un Américain qui vit en Lorraine. D'accord. Une trentaine d'années. Ah oui. Un batteur excellent, donc qui va qui nous propose un quatuor de jazz. Voilà. Waouh, super. Voilà. Prévu. Et puis niveau expo, je ne déflore rien. C'est la surprise. Mais bien entendu, le sentier des passeurs pour dans 2 ans, là, il faut. Et oui, il faut déjà s'y mettre. Ça va, ouais, ouais. Eh ben c'est plutôt sympathique. En tout cas, j'espère que on aura eu un petit peu le temps d'évoquer tous les sujets. Je pense qu'on aurait pu faire une très très longue émission pour parler de tout ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, peut-être quelque chose que voilà qu'il faudrait savoir, en tout cas pour nos auditeurs. dire que la culture en milieu rural, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Quand on parle de culture, on évoque surtout les villes, mais il faut savoir que effectivement, dans les Vosges ou ailleurs, dans des territoires qui ne sont pas nécessairement des territoires historiquement, qui sont, on va dire, défavorisés par le passé, par cette idée que l'industrie a un petit peu délaissé, oui. Mais passe quand même des choses extraordinaires, hein, et donc faut inciter les gens à venir voir, à sonder la nature et à. Mais vous le faites très bien. Voilà. Alors, n'oubliez pas la 7e Biennale d'Art Nature sur le Sentier des Passeurs. Voilà, exposition nommée Chemin du Fer FAIRE, 60 œuvres, 14 kilomètres de sentiers balisés entre Vosges et Alsace, jusqu'au 14 octobre 2018. Donc, voilà, exposition visible en plein air. Et puis, toutes ces expositions, ces conférences, plein de choses à retrouver trouvé au sein de cette exposition plutôt très sympathique. Ça, c'est sûr, un plongeon direct dans la nature et au cœur de notre histoire. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est très simple. www.sentier-des-passeurs.fr et là vous y retrouverez eh bien toutes les informations nécessaires pour vous y rendre et puis un avant-goût avec des vidéos, des photos sur tout ce qui est présenté, ce qui a été présent les années précédentes pour l'association Hélicop. Eh bien c'est www.hélicop.fr, mais ne vous inquiétez pas, on remettra en lien toutes ces adresses internet avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Pierre, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Cette émission sera rediffusée pour les couches tard à minuit et sera bien sûr présente sur notre site internet et notre page Facebook comme tous les jours. Je vous remercie encore beaucoup, Pierre, d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne route et puis une très bonne exposition. J'espère que tous les projets d'Hélicop verront le jour, mais il n'y a pas de souci. Je pense que tout va bien. Et puis bonjour à toute l'équipe et puis à tous les artistes présents et tous ceux qui s'engagent, c'est très important. Un grand merci encore. C'est moi qui vous remercie et puis à nos auditeurs, on se retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road, cause I'm sipping pro. Yeah, that method's pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.